Les pros du boulot sur Fadjet. Bonjour, aujourd'hui les pros du boulot vous accueillent sur Radio Fadjet. Aujourd'hui, Thomas et Zora vous retrouvent et nous allons parler de l'humanitaire ou des métiers à l'international. Nombreux sont les salariés français qui rêvent d'un métier qui a du sens, un métier plus humain, utile à la société. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion vers le domaine de l'humanitaire. Comment s'y prendre pour se reconvertir vers ce domaine? Quelles sont les questions à se poser avant de se lancer? Quelles sont les bonnes et les mauvaises motivations pour un projet dans l'humanitaire? Les réponses dans notre émission. Donc nous aurons le témoignage de Catherine qui est coordinatrice à Médecins du Monde et qui nous racontera un petit peu tout son parcours. Mais avant de commencer, quelques chiffres. Alors parlons d'abord de ce qui se passe en France dans le secteur de volontariat. Alors on a à peu près 70 000 personnes qui apportent leur aide au Resto du Cœur et 57 000 pour la Croix-Rouge. Donc ce sont les volontaires qui représentent 80% de ces humanitaires. Mais aujourd'hui nous parlons de l'humanitaire à l'étranger, à l'international. Donc 500 missions approximativement dans l'humanitaire à l'international sont à pourvoir dans les ONG françaises chaque année, dans les domaines variés, coordination, gestion des camps, éducation, sécurité alimentaire, santé, aide juridique, nutrition, maintien de la paix, hygiène, etc. La durée de l'engagement professionnel dans l'humanitaire est moins de 10 ans pour plus de 45% de personnes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça remet en question peut-être l'idée du travail humanitaire comme un véritable choix de carrière. C'est souvent des épisodes. Et puis, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que c'est difficile de parler de métiers de l'humanitaire, de les rattacher à un domaine spécifique. Il s'agit souvent des postes multifonctions dans le domaine de gestion de projet, la logistique, la santé. Plusieurs questions à se poser avant de s'engager. L'humanitaire est-il fait pour moi? Est-ce que j'ai pas trop idéalisé? L'humanitaire n'est pas une orientation par défaut. Il faut vraiment une vraie motivation et des compétences adéquates. Comme l'a rappelé Thomas, ce que recherchent de plus en plus les ONG, ce sont d'abord des professionnels compétents et expérimentés, dotés d'une forte motivation et prêts à s'adapter aux situations des pays d'intervention. Vous voulez travailler dans l'humanitaire, donner du sens à votre travail, commencez par acquérir un métier de base, adapté à vos capacités et vos talents. Ça peut être dans la santé, dans l'enseignement, dans l'animation, mais aussi la logistique, la comptabilité, l'industrie. Les compétences techniques en mécanique, informatique, bâtiment sont aussi appréciées. Mais il y a des compétences spécifiques. On se base par rapport à l'état de lieu des métiers humanitaires. Donc, il faut être capable de gérer le stress, travailler de manière efficace, s'adapter rapidement et appliquer les connaissances techniques à des situations diverses. Mais aussi, travailler avec des ressources et des équipements limités. Parfois, on est en situation un petit peu des théâtres d'intervention, un petit peu de guerre ou de pauvreté. Et travailler efficacement avec les communautés affectées par la crise et leur assurer redevabilité. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi être conscient qu'ils sont liés à ce domaine. C'est vrai que, selon un rapport, les professionnels qui quittent l'humanitaire parlent souvent d'épuisement professionnel, du burn-out, qui peut partiellement être lié à des postes en situation de crise, sur des durées importantes. Puis, il y a aussi une charge de travail souvent très élevée, parfois le manque de soutien psychosocial, le désir de passer plus de temps en famille, le manque d'opportunités de carrière, un accompagnement insuffisant pour progresser au sein de leur propre organisation, ainsi que le niveau de salaire. Alors, mais en tout cas, la deuxième question à se poser, c'est comment faire? Comment faire si je souhaite me reconvertir vers l'humanitaire? Alors déjà, il faut identifier le bon organisme. Il y a du coup les organisations non gouvernementales, mais aussi les organisations internationales de l'ONU, UNESCO, OMS, etc. Et puis quelques collectivités territoriales. Ce qui est important de savoir, c'est que pour exercer un métier humanitaire, il faut suivre souvent une formation spécialisée ou acquérir au préalable une expérience associative en France ou à l'étranger. Il est possible de commencer par un bénévolat, parce que ce statut prouve votre motivation, et puis il existe aussi de nombreux sites qui permettent d'identifier des opportunités, par exemple solidaire-info.org, portail-humanitaire.org, etc. Quand est-ce qu'on se lance? Alors, même si le témoignage va nous montrer un peu le contraire, il ne faut pas avoir de charges personnelles et familiales trop lourdes. Ce n'est pas souvent compatible avec l'humanitaire international. Parce que parfois on va sur des théâtres dangereux et les structures ont des difficultés à envoyer des familles, c'est normal. Soit on a fini sa carrière, les enfants sont grands et on a envie de se redonner un nouvel élan dans sa carrière et de servir différemment le métier qu'on a fait durant des années. Et là, ça peut être intéressant de se donner une dernière aventure, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Et pour les plus jeunes, des opportunités existent dès la sortie de l'école, après une formation spécialisée, comme l'a dit Thomas. Nous en parlerons avec Catherine après une pause musicale. Zazie, sauver le monde. Du boulot sur Fadjet. Bonjour, c'est les pros du boulot. Aujourd'hui, nous parlons des métiers de l'humanitaire et nous allons interviewer maintenant Catherine qui travaille en tant que coordinatrice chez les Médecins du Monde. Alors Catherine, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours, comment t'as atterri dans le domaine de l'humanitaire ? Donc j'ai commencé par des études d'infirmière, mais mon choix professionnel s'est orienté vers ce métier-là pour aller vers des actions à l'international en tant qu'infirmière humanitaire. J'ai travaillé un an à l'hôpital en tant qu'infirmière, puis j'ai passé un concours pour rentrer sur un master de coordinatrice de développement dans le domaine de la santé. J'ai donc fait cette année-là, et après quoi j'ai fait mon premier stage en tant que salarié au sein de la Croix-Rouge française en Albanie. Après quoi je suis rentrée en France. Donc en France, c'est pas vraiment des profils qui sont recherchés, sinon que je pouvais reprendre mon job d'infirmière. Et au bout d'un an, je me suis dit le virus de l'international me taraudait de nouveau, et j'ai rembrayé avec Médecins Sans Frontières. Donc là je suis repartie comme infirmière terrain. J'ai fait 6 mois au Tchad, dans un camp de réfugiés avec 17 000 réfugiés dans le sud du Tchad, ce que je gérais la pharmacie centrale, les plannings des infirmiers sur place, l'organisation des tentes pour l'accueil des personnes, l'achat de matériel. Après quoi, il m'a été proposé une mission de 3 mois au Congo RDC sur une équipe qui était épuisée parce qu'il y avait eu des frappes armées et de la violence. Donc j'ai été un peu reboostée l'équipe et réorganisée. Il y avait aussi tout l'accompagnement des urgences et la bonne gestion en fait de l'établissement. Et après quoi, je suis retournée au Tchad sur les camps de réfugiés du Darfour, 20 000 réfugiés, et on a monté un hôpital de campagne. Donc là, j'ai développé des compétences sur le domaine malnutrition, suite à quoi je suis partie au Niger pendant un an, et là, j'ai pris un poste de cordo sur un programme malnutrition. Et puis, je suis revenue en France, et j'ai fait le choix de l'enseignement, parce que c'était quelque chose que j'avais déjà un peu touché du doigt auparavant dans mon parcours. J'ai eu mes deux filles, et après quoi, le virus est de nouveau à réattaquer. Et donc, on est parti en Centrafrique, et là, pour le coup, sur un projet hyper passionnant, toujours dans le même champ, qui était celui de la formation, puisque c'était la création d'un centre de formation paramédicale. Je suis de nouveau rentré en France. Là, j'ai travaillé un moment comme infirmière régionale pour la protection judiciaire pour la jeunesse. Mais on m'a proposé assez rapidement derrière un poste au siège de la Croix-Rouge française à Paris, avec un job hyper passionnant, 14 pays, avec entre 2 et 3 projets santé sur chacun des pays. Donc ça a été pendant 3 ans. Puis après, j'ai eu envie de retourner sur le terrain. Et donc j'ai quitté la Croix-Rouge française pour aller travailler avec Médecins du Monde, avec qui je bosse encore aujourd'hui, dans un premier temps en tant que coordinatrice médicale sur une mission au Kurdistan irakien, où je suis restée 4 mois, non pas parce que je m'y plaisais pas, mais parce que pour des raisons de sécurité, on devait y aller en famille et la famille n'a pas pu suivre. Et là, en termes d'activité, c'était du management d'équipe médicale, donc on avait de base, donc on a porté à la fois du matériel, on a porté des formations, on accompagnait aussi les différents bureaux régionaux du ministère de la Santé. Donc là, c'était un boulot un peu plus bureaucratique, mais avec beaucoup de missions sur le terrain, de rencontres avec les équipes. Après quoi, on est rentré en France et là, j'ai pris un poste donc à Metz, où je suis toujours aujourd'hui. Donc un parcours fascinant après une formation d'infirmière. Mais dis-nous, quelles sont les compétences les plus importantes pour partir vers l'humanitaire ? Je pense que c'est... Alors, c'est vraiment de but en blanc, mais je pense que c'est clairement la capacité d'adaptabilité, d'écoute. C'est d'être flexible et surtout d'analyser... et de prendre ce qu'il y a à apprendre dans la façon dont les gens fonctionnent. La grosse erreur, c'est d'arriver en se disant « je sais » et « je vais montrer comment je sais ». La première des choses, c'est de comprendre comment ça se passe normalement et après d'être en capacité d'adaptation pour permettre de répondre aux besoins en fait. C'est l'identification réellement du besoin qui est essentielle plus que d'arriver parce qu'on le, enfin moi je l'ai rencontré sur le terrain à plusieurs reprises avec des gens qui arrivent et oui mais moi je suis médecin, je sais. Ah oui, tu sais consulter, mais est-ce que tu as compris les difficultés interculturelles? Le fait qu'un homme ne peut pas consulter une femme dans certains pays, le fait que, le prix de la consultation est supérieur à ce qu'on pourrait estimer. Enfin, il y a plein de critères à prendre en compte dans l'environnement, et c'est vraiment cette capacité d'adaptabilité qui fait qu'à un moment donné, ça passe ou pas. Parce que souvent, on est vécu comme l'occidental qui déboule et qui dit comment il faut faire. Et souvent, ces projets-là, ils s'écroulent parce qu'il n'y a pas le temps de compréhension et il y a surtout l'intégration de l'autre dans le projet. Enfin, voilà. Le renforcement des capacités, c'est pour moi un terme essentiel. Et il passe par une capacité d'adaptation, de réflexion et de recul par rapport à ce qu'on fait, quoi. Il y a parmi nos auditeurs probablement certains qui songent d'une reconversion vers le métier, vers le domaine de l'humanitaire. Quel conseil leur donnerais-tu ? Alors, je dirais que la première des choses, c'est déjà de pas être dans une dynamique de « je vais sauver le monde ». Déjà, se mettre dans une position où on est aidant, oui, mais on n'est pas, on n'est pas là pour faire à la place d'eux. Et souvent, moi, quand je parle avec des jeunes qui veulent se lancer dans l'humanitaire, c'est « Ah, mais oui, mais moi, j'ai trop envie parce que je vais aller aider les autres. » Non, en fait, aide-toi toi-même parce que déjà, là, il y a un problème. Donc, il faut se connaître, il faut savoir pourquoi on part parce qu'on part pas forcément pour l'autre. Et souvent, la première raison du départ, et moi, je l'assume complètement, c'était pas l'autre, c'était moi. C'est moi qui avais envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Donc, il faut garder ça en tête et se repositionner par rapport à ça. Et puis, je pense que c'est un cheminement. Comme dans tous les métiers, je pense d'ailleurs, hein, je pense pas trop me tromper, mais on commence par un coin et puis on avance progressivement et on construit son projet professionnel. Moi, en étant infirmière, je voulais tout de suite partir sur le terrain, comme toutes les jeunes infirmières que je connais. Hein. Mais on m'a gentiment dit 3 ans d'expérience pro. J'ai fait « Ah, bon, d'accord. » Donc, j'ai été bosser à l'hôpital. J'ai pas perdu mon projet de vue. J'ai cherché des écoles qui existaient dans ce sens-là. J'ai trouvé cette école à Bordeaux. Je l'ai faite. Une fois que je l'ai eu finie, là, j'ai pu commencer à aller vers l'international. C'est vraiment de continuer à construire son projet en gardant ça en tête et puis prendre conscience aussi de ce que ça impacte sur votre vie. Parce que beaucoup disent aujourd'hui, à la vingtaine ou à la trentaine, ouais, moi j'ai envie d'aller voir le monde et de voyager. Sauf qu'un jour ou l'autre, eh ben, on passe la trentaine, on a envie d'avoir des enfants, on a envie d'avoir une vie structurée familialement. Eh ben, il faut aussi se dire qu'à un moment donné, c'est un métier. Ça l'empêche pas, puisque moi j'ai une famille, j'ai 2 filles qui sont parties avec moi sur le terrain, mais c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Et puis, faut en faire le deuil pour pouvoir peut-être le conquérir à un moment donné. Mais voilà. Il faut en connaître les forces et les faiblesses aussi du métier. Voilà. Merci Catherine pour cet entretien passionnant. Donc, si vous êtes intéressé par le domaine de l'humanitaire, votre conseiller en évolution professionnelle pourra vous accompagner dans la recherche de structures et pour la confirmation de votre projet. Les Pros du Boulot, c'est fini pour aujourd'hui. On aura le plaisir de vous retrouver tous les lundis à 12h30. Thomas et Zora avec vous. Merci, au revoir.